C'est un bonheur tiqué par une merveille. C'est un calme sorti de son sommeil. C'était se contempler le bien, enfin retrouver son destin. Les nuages de mon malheur sont guérisons. La nature retrouve ses occupations. Toucher avec ses propres mains la lumière. Un Saint-Père comme un ami, un frère. Le vent se rappelle, se souvient de cette âme spirituelle. La rue pleure le nom des disparus. Pour auparavant jeter les déchus. Il existe dans une terre qui porte à son nom. Et des hommes de compassion. À présent mon Dieu, il ne reste plus rien. Juste quelques hommes qui écoutent ce qui t'appartient. Un cœur égyptien, une perception inconnue. Un silence inconnu. Le diable de l'inconscient est un homme aveugle de sentiments. Souvent ce qui en résulte c'est le courage. La perception a touché le sage. L'écriture sainte trouve l'esprit de leur personne. Ils ont tué un somme, livré à soi-même. Le fils de l'homme périt dans ses problèmes. Votre système, c'est un endroit de parole. C'est une existence au-dessus de tout. La vie est précieuse. Mon mal peut tuer une âme courageuse, ambitieuse. À présent j'ai pris le devant pour mon présent. Silence retrouve ce qui est important. Le vent se rappelle, se souvient de cette âme spirituelle. Auriez-vous tous perdu le sens? Silence vit dans l'essence de l'existence. Le vent se rappelle, se souvient de cette âme spirituelle. Auriez-vous tous perdu le sens? Silence vit dans l'essence de l'existence. Il existe une vie au-dessus de tout. Un sourire qui prouve le monde. Derrière nous les nuages sont passés. La spiritualité perdue à jamais. L'amour impressionne la force. Les vivants se retrouvent dans leur façon de faire. C'est un cœur étourdi, un cœur entouré de simples amis. La bénédiction prouve la passion. Mais la croyance peut avoir son indépendance dans la compassion. Celle de chercher un Dieu unique, la justice dans un monde unique. Sachez à présent que j'ai banni pour moi tout ce qui est mauvais. Mes rimes sont le reflet de mes pensées, ma fierté, mon cœur, ma bonté. Pour moi le mystère a perdu ses secrets. Ils finiront sûrement par lui donner ce qu'il a demandé. Une histoire pour lui seul, il compose dans sa vérité. Êtes-vous sûr que le bonheur est accessible à tous? Êtes-vous sûr, enfin sûr, sûr de réellement vivre votre vie? Sûr de la pierre qu'ils ont haï? La pierre est bénie, pourtant personne n'en veut. Ils ont préféré le feu, consumer ce qui lui reste. À présent le soleil suit ses gestes. Écoutez pour percevoir Marie. L'iniquité dans les sens et les ravis. Alors il partira comme il est venu. C'est-à-dire seul dans un peuple déchu.